Des fois je suis peu raisonnable, faut que l'heure est morale. Je dépasse tout le monde rétrograde, j'paiera que du mémorable, j'paiera que du mémorable. Une sorte de géant face au minus, payage tu voudrais qu'on se capte. Mais j'ai tricard pas peinté ton virus. T'as cru qu'on était amis, mais je n'ai que des phares que l'ami. J'vois le reste derrière comme Verali. Faut que je trace trace comme Verali. Que je les frappe frappe frappe comme Mohamed Ali. Que je les zappe zappe zappe on dirait des raclis. Faut que la compète est c'est belle ami. Ceux qui blaguent pas marchent en silence et au perle. Ok, sortez les cahiers pour noter. Le sujet du jour je vais les sauter. Deux trois sur le côté, sur le côté. Ces bâtards voudraient pouvoir me stopper. Fini sous la table à pomper. Rouya, j'suis choqué, choqué. Sans visage, sans visage. M'écarter de la haine, j'envisage, j'envisage, j'envisage. Ces bâtards vrais, je voudrais pouvoir me stopper. Pendant que ma famille, elle voudrait me voir exploser. Mais tu me connais, sans visage, sans visage, sans visage. M'écarter de la haine, j'envisage, j'envisage, j'envisage. C'est pas ta bras, je voudrais pouvoir me stopper. Pendant que ta famille, elle voudrait me voir exploser. Mais tu me connais. Capuche posé en bas, ça fait de lever en bas, j'veux monter d'en bas. Capuche posé en bas, ça fait de lever en bas, j'veux monter d'en bas. Capuche posé en bas. Ça fait de lever en bas, je vais monter d'en bas. Capuche posé en bas. Ça fait de lever en bas, je vais monter d'en bas. Mais je ne les fréquente pas. En attendant qu'on présente plus, je ne me présente pas. Niquez vos mères, on fait comme ça. Solo, j'ai foncé dans le tas. Frérot, je me mélange pas. Comme un joint de vrai ganja. France D comme Chichi Chang. Au-dessus comme King Kong. Oui, je gronde, vrai Elvis. Pour que le fric se compte, j'vise le monde, fonce des comme Chichi Chang. Au-dessus comme King Kong, oui j'gronde, vrai Elvis. Sombre, pour que le fric se compte, j'vise le monde. Sans visage, sans visage, sans visage. M'écarter de la haine, j'envisage, j'envisage, j'envisage. C'est le bâtard, je voudrais pouvoir me stopper. Pendant que la famille, elle voudrait me voir exploser. Mais tu me connais. Sans visage, sans visage, sans visage. M'écarter de la haine, j'envisage, j'envisage, j'envisage. C'est pas ta voix, je voudrais pouvoir me stopper. Pendant que ta famille, elle voudrait me voir exploser. Mais tu me connais. Je suis pas en bas, je suis pas en bas, je suis pas en bas, je suis pas en bas.